Lettre 50e. Le pâtissier anglais. Miniature d'un Français. Le roi Louis-Philippe. Réflexion philosophique. Nous nous sommes amusés ce matin à courir les boutiques et nous avons terminé notre tournée par entrer chez un pâtissier anglais. Pendant que nous y déjeunions, nous y observions une société de Français qui était venue comme nous pour faire un petit goûter de pâtisserie. Ils semblaient voyager dans des terres inconnues. Et ne pouvaient cacher leur surprise à la vue des compositions d'outre-mer qui se présentaient de tous côtés à leur regard. Dans le nombre de ces Français, il y avait un jeune homme qui paraissait avoir pris d'avance la résolution de se moquer outre mesure de toutes les friandises que renfermait cette boutique et qu'il regardait sans doute comme un empiétement intolérable sur les droits des fabricants nationaux. « Est-il possible ? » dit-il d'un air d'étonnement et presque d'indignation, en voyant une dame de la société prendre un de ces gâteaux que nous appelons des buns, est-il possible que vous puissiez comparer ces étranges comestibles à la pâtisserie française ? Mais goûtez-en, dit la dame, en lui présentant un de ces gâteaux qu'elle avait pris elle-même. Ils sont excellents. Non, non, il suffit de les regarder, s'écria-t-il en finissant. Il n'y a ni légèreté, ni élégance, ni grâce dans aucun des gâteaux que je vois ici. Mais goûtez quelque chose, répéta la dame. « Vous le voulez absolument ?» s'écria le jeune homme. « Quelle tyrannie !»« Et quelle preuve d'obéissance je vais vous donner ? Voyons donc » continua-t-il, en s'approchant d'une assiette sur laquelle se soutenait une pile de vraies muffins anglaises, lesquelles, comme vous le savez, sont d'une fabrique un peu mystérieuse et, si on les mange crues, ont assez de rapport avec un gant de peau. Ce fut donc à ce prétendu gâteau que cet infortuné connaisseur en pâtisserie s'adressa en s'écriant d'un air un peu théâtral « Voilà donc ce que je vais faire pour vos beaux yeux. » En achevant de parler, il s'empara d'un de ces objets pâles et coriaces et, à notre grand amusement, essaya d'en manger. Il est impossible de trouver mauvais que l'on fasse quelques grimaces en semblable occasion et le privilège des Français sous ce rapport est bien connu. Mais ce hardi faiseur d'expérience abusa de ce privilège. Sa souffrance paraissait inexprimable. Ses crachements et ses reproches furent si véhéments. Camille, étranger, pâtissier jusqu'au petit gars de sauce qui entra dans le moment tout enfariné, portant sur la tête un plateau de petits pâtés, tout le monde, enfin, éclata d'un fou rire que l'infortuné supporta de la meilleure humeur du monde, faisant promettre à sa belle compatriote qu'elle n'insisterait plus jamais pour qu'il mangeât des friandises anglaises. Si cette scène se fût prolongée quelques minutes de plus, j'aurais manqué un spectacle que j'aurais fort regretté de ne pas avoir vu. Quand les souffrances du jeune Français, un peu calmées, me permirent enfin de quitter la boutique du pâtissier, nous nous dirigeâmes vers le boulevard des Italiens, et comme nous y arrivions, nous vîmes le roi Louis-Philippe, vêtu en simple bourgeois, passant à pied devant les bains chinois, mais sur le côté opposé du chemin. À l'exception d'une petite cocarde tricolore à son chapeau, il n'avait rien qui le distinguât des autres hommes comme il faut qui se trouvaient sur les boulevards. C'est un homme de bonne mine, replet entre deux âges. Il a dans sa démarche quelque chose de noble qui, malgré l'air bourgeois dont il se promenait, aurait attiré sur lui l'attention et l'aurait fait reconnaître pour un personnage hors du commun, quand même il n'aurait pas eu à son chapeau la cocarde indiscrète. Deux messieurs marchaient à quelque distance derrière lui, et je crus remarquer qu'après qu'il nous eut dépassés, ils s'approchèrent de lui. Du reste, je ne vis personne qui me parut de sa suite. Je remarquai qu'il fut reconnu par plusieurs personnes, dont quelques-unes, en petit nombre, ôtèrent leurs chapeaux, entre autres deux ou trois Anglais. Mais sa présence excite en général peu d'émotion. Je m'amusai pourtant de l'air d'insouciance avec lequel un jeune homme, en costume complet de Robespierre, lorgna la personne du monarque pendant aussi longtemps qu'il put le distinguer. Le dernier roi que je vis dans les rues de Paris fut Charles X. Il revenait d'une de ses maisons de plaisance dans les environs de Paris, escorté et entouré d'une pompe vraiment royale. Le contraste entre les hommes et leurs habitudes était réellement frappant et fait pour réveiller de vifs souvenirs des nombreux événements qui leur étaient arrivés à tous deux depuis la dernière fois que j'avais avancé la tête pour contempler le souverain de la France. Mon imagination vola vers Prague et vers les trois générations de monarques français qui reposent presque aussi paisiblement que dans les caveaux de Saint-Denis. Ne dirait-on pas que leur destinée a été gouvernée par la baguette d'un magicien? Voyez ce Charles X dans la fleur de sa jeunesse, alors comte d'Artois si galant, si brillant, si dissipé. Rappelez-vous les fenêtres de l'appartement qu'il occupait dans le château de Versailles et revoyez-le, radieux de jeunesse et de bonheur, cadet étourdi et prodigue de sa royale race, frère et hôte de ce bon roi qui semblait régner sur un peuple dévoué par tous les droits qu'il tenait de Dieu et des hommes. Louis XVI était roi de France, mais l'aimable comte d'Artois régnait en souverain sur les plaisirs de Versailles. Que de fêtes joyeuses, que de brillantes réunions, et pendant ce temps, le sort cruel regardait et souriait. Si alors on lui eût dit qu'avant de mourir, il se verrait couronné roi de France et occuperait le trône pendant plusieurs années, n'aurait-il pas cru que la plus brillante destinée lui était prédite? Peu d'hommes ont autant souffert des vicissitudes humaines que Charles X de France. D'abord en la personne de son frère aîné, détrôné et indignement assassiné. Puis en la sienne et en celle d'un autre frère condamné à l'exil. Puis de nouveau quand la fortune semblait sourire encore une fois à sa royale race et que la couronne de France placée sur la tête de son frère paraissait assurée à ses fils, un de ses fils tombe sous le fer d'un meurtrier. Enfin, après être parvenu lui-même au trône, et avoir vu ce dernier fils revivre dans un rejeton plein d'espérance, arrive un autre coup du sort, inattendu, accablant, qui le précipite de son trône et qui le condamne de nouveau, lui et sa race royale, à l'exil et à la mort civile. A-t-il donc vu la dernière des convulsions politiques par lesquelles son existence a été ébranlée? Ou bien son astre errant reparaîtra-t-il sur l'horizon? Ceux qui lui sont le plus sincèrement attachés ne peuvent guère le désirer. Mais quand je tournais ma pensée du roi détrôné et banni vers celui que je voyais marcher devant moi sans garde et d'un pas assuré, quand je réfléchis aux vicissitudes dont sa destinée à lui aussi fut remplie, il me sembla que cette terre et tous ses habitants n'étaient que des jouets d'enfants qui changent de nom et de destination selon le caprice du moment. Il me sembla alors que tous les hommes n'étaient classés dans l'ordre qu'ils devaient tenir que pour être jetés dans une plus grande confusion, qu'ils n'étaient renversés que pour être relevés, et ainsi perpétuellement lancés de côté et d'autre. Avec cela, si impuissants par eux-mêmes, si complètement gouvernés par le hasard, je m'abaissais à l'aspect de la faiblesse humaine, et je détournais les yeux du monarque pour méditer sur l'insignifiance de l'homme. Qu'ils sont vains, tous les efforts que l'homme est en état de faire pour diriger le cours de sa propre existence. Il n'y a en vérité que la confiance dans une haute sagesse et dans un pouvoir inébranlable qui puisse nous mettre tous, tant que nous sommes, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, en état de traverser avec calme et courage un monde sujet à de si terribles convulsions.